entrer dans les coulisses de la recherche en histoire de l'art, explorer les parcours, les méthodes, les doutes et les passions de celles et ceux qui font vivre la discipline. Bienvenue dans un espace où le savoir se partage. Bienvenue dans les coulisses de la recherche, un podcast présenté par l'association Athéna. Bonjour, c'est Lila, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Amandine Morvan qui vient de terminer son mémoire et son master. Amandine, merci d'être présente. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours et le sujet sur lequel tu as travaillé ? Alors, bonjour Lila. Moi, j'ai travaillé sur un sujet un peu particulier puisque je travaillais sur de la presse et mon sujet s'intitulait « Versailles, de la grandeur à l'intime, images érotiques dans la presse illustrée ». Alors plus particulièrement entre 1910 et 1920. Et donc je travaillais sur la reprise, les images historicistes qui reprenaient Versailles dans la presse, mais de la presse de divertissement. Donc pour divertir ces messieurs au 19e siècle. Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases les grands axes que tu abordes plus précisément dans ta recherche ? Qu'est-ce que tu as cherché à comprendre à travers ces images de Versailles ? Est-ce que tu entends par de la grandeur à l'intime ? Alors, pour ce qui est des grands axes, il y avait d'abord tout un côté patrimonial, essayer de comprendre comment est-ce qu'on passe de Versailles historique, Versailles Louis XIV, le grand château très droit, très rigide, à des images un peu légères dans de la presse. Donc c'est plutôt pour ça, hein, de la grandeur à l'intime, et essayer de comprendre d'où vient ce goût. Qu'est-ce qu'il y a aussi derrière ? Est-ce qu'il y a des idées un peu plus politiques ? Parce qu'on est sur une période où on est sur la patrimonialisation de Versailles, Versailles qui devient le symbole français et un symbole républicain, alors qu'on est quand même sur le lieu monarchique par excellence. Et après, il y avait aussi tout le goût des illustrateurs, essayer de comprendre eux pourquoi est-ce qu'ils choisissent ça et qu'est-ce qui attire aussi le public. Pourquoi est-ce qu'on a des hommes dans les années 1900 qui trouvent ça super chouette d'avoir des femmes du 18e à moitié nues dans la presse. Et donc tout un goût aussi derrière, un goût du luxe, tout le rapport de l'artiste humoriste qui essaye de se faire sa place entre le monde des illustrateurs vraiment caricaturistes et les peintres finalement, et comment Versailles justement entre dans ces axes-là. Et puis après, tout ce qui est goût de la société de l'époque, les bals costumés, Marie-Antoinette, enfin, tout ce qui vient avec quoi. C'est vrai que quand on pense à Versailles, on n'imagine pas en histoire de l'art parler tout de suite de ce côté érotique que tu parles dans ton mémoire, et on pense surtout au Versailles officiel, comme tu l'as dit, de Louis XIV. Et je me demandais du coup, comment ce sujet, ce thème, il s'est imposé à toi ? Est-ce que ça vient d'une découverte, d'une image, d'un cours, etc. ? Et est-ce que tu savais déjà que tu voulais travailler sur Versailles depuis longtemps, ou c'est venu pendant l'élaboration de ta recherche ? Alors Versailles, c'est vraiment venu en M2, en deuxième année de master. Moi, j'ai commencé, je suis arrivée en master recherche un peu par hasard. J'avais pas trouvé d'autres masters, et puis j'ai pris contact ici à Nantes. Et je savais que je voulais travailler sur des sujets liés à l'érotisme ou à la pornographie. Donc liés à l'intime. Moi, en licence, je faisais tous les exposés les plus tordus que je pouvais trouver. J'aimais bien tout cet aspect justement de découvrir une société par sa face cachée et d'essayer justement de comprendre un peu ce qu'on nous montre pas. Parce que c'est vrai que quand tu regardes l'art officiel et toute la peinture, c'est très intéressant parce que tu as toute l'idéologie derrière. Mais évidemment, c'est ce qu'on veut bien nous montrer. Et surtout, fin 19e, début 20e siècle, on a toute une face cachée, une culture de l'intime qui est très intéressante. Et dans ce cadre-là, j'ai demandé à mon directeur de mémoire de me proposer un sujet un peu sur le thème. Et c'est là qu'il m'a montré des illustrations de Chéri Héroir, qui est un illustrateur qui a beaucoup travaillé justement à la Belle Époque et après tout du 20e siècle jusqu'aux années 60. Et on est parti de là. Chéri Héroir, il représente beaucoup de thématiques historicistes. Et au début, mon sujet tournait autour du 18e siècle fantasmé, donc de manière plus générale. Sauf que, arrivé en première année de master, j'avais un corpus de plus de 200 œuvres. Donc le 18e siècle fantasmé, effectivement, c'était un sujet très porteur, mais beaucoup trop large. Et en cataloguant, vraiment en réunissant ce corpus, on s'est rendu compte que finalement, Versailles revenait. Mais alors, quel Versailles, comment, ça c'était un peu toute la question. Et surtout, il fallait identifier Versailles. Donc ça m'a permis de réduire mon corpus à 70 œuvres. Mais c'était vraiment très subjectif. Identifier Versailles, ça peut arriver parce que tu vois une fontaine, un pot, ou alors une femme dans une certaine tenue qui pourrait rappeler la du Barry, la Pompadour, Marie-Antoinette. Souvent Marie-Antoinette. Mais donc voilà, ça s'est pas imposé dès le début, mais finalement, en fait, en réunissant le corpus, Versailles revenait. Et il y avait aussi derrière tout ce contexte historique qui expliquait en fait cette présence du 18e par Versailles, et que Versailles devenait un symbole 18e siècle. Et on effaçait vraiment aussi tout le côté Louis XIV et 17e siècle avec ça. Et justement, tu parles de toute cette période du 18e, mais toi, tu t'intéresses vraiment à une période très précise, celle des années 1910-1920. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te concentrer sur cette décennie précisément ? Alors, 1910-1920, c'est vraiment juste technique. C'est, comme je disais, avec, quand on a un corpus aussi grand que le mien, on est obligé de réduire sur 10 ans, parce que rien que 200 œuvres sur 10 ans, c'est déjà pas mal. Mais en réalité, moi, je travaillais, et je travaille toujours, sur la période qu'on appelle la Belle Époque. Donc, après la guerre franco-prussienne, donc dans les années 1870, et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mon corpus comprenait la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a aussi toute cette thématique très intéressante de la reprise de Versailles pendant la Première Guerre mondiale, pour motiver les soldats. Mais donc 1910-1920, vraiment juste technique, et comprendre aussi la période de guerre. Mais pour comprendre cette période 1910-1920, il faut remonter dès le début des années 1900 pour voir s'il y a une continuité, ou alors si ça change complètement. Et puis on est quand même au tournant d'un siècle. On change, le 19e a été très prolifique, donc quand on arrive en 1900, voir aussi les changements, comment est-ce qu'on se réattribue un peu une nouvelle époque, les changements. Je suis pas très fan de l'expression du grand 19e siècle, qui comprendrait le 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, parce que pour moi il y a vraiment eu un changement, peut-être pas en 1900 exactement, mais en tout cas dans les années 1910, on est vraiment assez loin de ce qui se passe dans les années 1890. On imagine qu'un tel sujet, il repose sur beaucoup d'images et d'archives, du coup, que tu as dû éplucher tout au long de ta recherche, et notamment beaucoup de presse dans ton cas, j'imagine. Mais sur quelle autre source tu t'es appuyé concrètement pour faire ton corpus et pour analyser ces images ? Pas sur pas grand-chose. Parce que, oui, donc effectivement, beaucoup de presse. Gallica est mon meilleur ami. Déjà, rien que dans les illustrations, on a déjà beaucoup d'informations. Après, si elles ne sont pas réunies en corpus, c'est très difficile de le comprendre. Et moi, je travaille sur quelques illustrateurs bien particuliers qui reviennent tout le temps. Et malheureusement, pour moi, ils n'ont pas laissé beaucoup d'archives. C'est l'inconvénient quand on est un illustrateur, c'est qu'on ne vous considère pas comme artiste et donc qu'on ne conserve pas vos archives comme on pourrait le faire pour un peintre. Donc, je me suis quand même basée sur ce que j'ai pu trouver, sur certains artistes qui étaient plus connus, comme Gerda Wegener, comme Umberto Brunelleschi ou Georges Barbier, qui étaient plus connus pour leurs travaux d'artistes peintres, artistes décorateurs. Donc là où je pouvais avoir des biographies ou des semblants de monographies. Et après, sinon, on cherche un peu dans les archives, des fois des informations, dans les archives de Versailles, dans les archives des musées, sur des thématiques bien précises. Mais c'est très compliqué, parce que c'est pas des fonds d'archives qui ont été faits. On a des bribes de documents, des documents qui pourraient être intéressants, mais qui sont dans d'autres fonds d'archives, et qu'il faudrait en fait regrouper dans une espèce de base de données, mais c'est presque impossible, et moi j'ai pas épluché toutes les bases de données, et on a encore, encore beaucoup, beaucoup à faire, mais rien que sur la thématique 18e, reprise du 18e siècle. Rien que dans les archives de Versailles, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais c'est vrai que certains documents, des documents de Pierre de Nolhac, pardon, notamment, peuvent être très, très intéressants sur son travail, et puis faire des liens de réseau entre ces artistes, telles personnes. Par exemple, je sais qu'il existe encore des archives de Gerda Wegener, ou en tout cas des informations avec une dame qui habite à Versailles et qui... Elle ne l'a pas connue personnellement, mais son oncle, je crois, était ami avec elle. Et le lien est d'autant plus intéressant que ce fameux oncle détenait une maison d'édition qui rééditait des textes érotiques du XVIIIe siècle. Et donc, Gerda Wegener venait en vacances à Versailles. Donc, déjà, on a une partie de son inspiration un peu de ce qu'elle peignait. Et en plus, on sait qu'elle s'intéresse aux textes du XVIIIe siècle. Et cette maison d'édition publie des publicités dans la presse où Gerda, elle, va publier ses illustrations. Donc, en fait, des liens comme ça qui se font parce qu'on entend un contact qui vous parle d'une personne qui a fait telle exposition, telle chose. Pour les archives de Chéri Héroïre, ça a été exactement pareil. J'ai trouvé une association qui avait fait une exposition et ça m'a mené à un collectionneur qui avait tout récupéré, les archives de Chéri. Et je me posais aussi une petite question. Du coup, tu analysais la presse, mais est-ce que c'était surtout une étude iconographique ou est-ce que tu étudiais aussi les textes qui accompagnaient ces images ou est-ce que c'était trop de travail des textes qui accompagnaient les images? Non, c'était vraiment une étude iconographique et c'était pas trop de travail d'étudier les textes qui accompagnaient les images parce qu'en fait, il n'y avait pas de textes qui accompagnaient les images. Dans le sens où il y a des textes dans cette presse, mais c'est vraiment une presse de divertissement. Donc on est sur des feuilletons, des petits textes humoristiques parodiques et qui ne sont généralement pas reliés aux images. Ça peut arriver quand j'ai une image qui est dans le texte qu'elle soit reliée, mais la plupart des images que j'ai dans mon corpus, des illustrations, c'est des illustrations pleine page qui sont en fait entre deux textes et qui viennent habiller le magazine. Et est-ce que parmi toutes les images que tu as étudiées, il y en a certaines qui t'ont marqué plus que d'autres? Est-ce que si tu pouvais en choisir une seule pour représenter ton sujet, est-ce que tu peux en choisir une pour t'écrire? La plus marrante, on va dire, c'est ça part d'une peinture. Alors en fait, j'avais beaucoup dans mes illustrations, je retrouvais beaucoup de femmes donc du XVIIIe siècle qui se baignaient dans les fontaines de Versailles. C'est quand même quelque chose d'étrange. Quel moment les illustrateurs en 1900 se sont dit « c'est plausible, au XVIIIe siècle, on se baignait dans les fontaines de Versailles, c'était des grandes piscines ». Et c'est une thématique qui est bien pratique parce que ça permet de représenter donc, les femmes nues au bain et de mélanger un peu des aspirations. Et puis, en feuilletant un catalogue d'expositions, donc le catalogue de l'exposition Versailles Revival, qui a été très important pour moi, je suis tombée sur ce tableau, un tableau qui a été peint en tout cas exposé en 1885, qui s'appelle « Le bain des dames de la cour » de François Flamand, et où là, on a des femmes, nues, habillées, en robe à paniers, les robes 18e avec les grands paniers pleins de tissus, et donc qui se baignent dans le bassin de la colonnade, qui n'est pas une fontaine, en plus. Et donc on a un peintre qui nous transforme la colonnade, qui est très identifiable et très, très identifiée à Versailles, qui transforme la sculpture en fontaine, qui nous fait un grand bassin avec des tapis orientaux sur le fond et qui nous met des femmes du XVIIIe siècle en train de se baigner. Et donc qui mélange les thématiques historicistes XVIIIe qui se vendent très bien à l'époque avec Versailles, avec les thématiques orientalisantes. Et donc on a cette peinture qui est un peu un unicum, j'en ai pas retrouvé d'autres. Et après, dans mes illustrations, c'est repris, et j'ai plusieurs thématiques qui reviennent. Alors, pourquoi est-ce que les illustrateurs s'inspirent vraiment de ce tableau? Parce qu'il a été acheté presque tout de suite par le tsar de Russie, et donc il est parti presque tout de suite en collection privée. Ou alors, est-ce que c'est une thématique qui a du sens pour eux, parce que Versailles, c'est les fontaines, c'est les bains orientaux, et qu'on mélange un peu tout? Ou alors est-ce qu'un seul a repris en premier la thématique et que les autres se sont dit « c'est pas mal quand même, ça nous permet d'exploiter plein de choses différentes et c'est bien pratique, même de manière humoristique ». Mon illustration préférée, c'est une illustration qui s'appelle « Alerte les nymphes à Trianon ». Pardon, et où c'est une illustration qui a été publiée dans la Vie parisienne, si je ne dis pas de bêtises, et qui est une illustration de Léonec, de Georges Léonec, où on voit des femmes du XVIIIe siècle, on les reconnaît parce qu'elles ont leurs grandes perruques, bien sûr, c'est très pratique pour se baigner, et elles se baignent dans une fontaine, et en arrière-plan on a Trianon, enfin on a le grand Trianon, et on voit ces femmes qui ont peur, qui commencent à se rhabiller. Elles ont tous les attributs de la femme 18e. On a le petit page noir qui fait référence à Zamor, le page de Madame du Barry. On a le petit chien de la fidélité, les robes à paniers qui sont à moitié défaites sur le côté, les servantes autour. Et en fond, on voit qu'elles ont peur, qu'elles commencent à se rhabiller, et parce qu'on voit arriver des messieurs, mais qui, eux, sont habillés comme dans les années 1910, 1920, et qui arrivent en fond. Et en fait, le titre de l'illustration nous dit que ces messieurs, ce sont en fait les signataires de la paix de Versailles. Cette illustration, elle a été publiée donc en 1919, si je ne dis pas de bêtises, 1919. Et où, en fait, on a ces fameux négociateurs allemands et français qui arrivent pour aller signer la paix et qui passent et qui dérangent les fantômes des femmes du XVIIIe siècle qui sont en train de se baigner dans la fontaine. Et là, on a un peu le melting pot de tout ce qui fait ma recherche, avec les femmes nues, la référence politique aussi et nationaliste, et toutes ces petites références qui identifient Versailles. C'est tout de même, j'imagine, un sujet assez sensible entre du coup patrimoine et érotisme, un problème auquel tu as dû être confronté. Et je me demandais du coup, est-ce que toi, ton regard sur Versailles, il a changé depuis que tu travailles dessus ? Est-ce que tu vois cette époque différemment aujourd'hui ? Est-ce que tu t'attendais à découvrir ce que tu as découvert sur Versailles précisément ? Oui et non. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur Versailles, j'avais déjà en tête tout ce qui se faisait sur le XVIIIe siècle. Donc c'est vrai que c'est plutôt quand je suis arrivée là-bas, quand j'étais en stage à Versailles, où le lieu, l'image du lieu s'entrechoque un peu avec ce que moi j'ai dans mes illustrations, où il y a vraiment ce côté humoristique et léger. Et quand on arrive là-bas, on est sur un lieu qui est assez sacralisé. Mais d'un autre côté, c'est pas si surprenant, parce que quand on regarde aujourd'hui tout ce qui est fait sur Versailles, le tourisme, les images de Marie-Antoinette, les films, les séries, bah, en fait, retrouver cette image de Versailles dans des images érotiques, ça devient plus si idiot. Et qu'en plus, on lit ça aussi, moi j'ai travaillé aussi sur la publicité, et quand on voit que les années 1900, c'est le début où vraiment on utilise Versailles comme image de publicité, de réclame, finalement, en fait, le chemin il se fait assez rapidement. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé ma recherche, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur Versailles, en tout cas dans ce sujet-là. Et que même après, quand on regarde ce qui se fait en termes de recherche à Versailles, on a vraiment l'aspect patrimonial qui est retravaillé, et même maintenant, sur les chercheurs qui travaillent sur Versailles au XXe siècle, on se réintéresse aussi à toute cette réutilisation historique et politique, et la politique à Versailles. En plus, cette année, avec la République à Versailles, c'est vraiment très marquant. Mais du coup, là, on a un lien un peu particulier avec l'érotisme aussi. Après, l'érotisme, c'est vraiment pas de la pornographie. On est quand même sur quelque chose quand même d'assez léger. Et sur des illustrateurs qui utilisent quand même, à mon sens, Versailles pour se donner une image de luxe. Donc ils font quand même quelque chose d'assez raffiné qui se rapproche plus de l'art. Donc on n'est pas sur des images qui sont très problématiques. Tu nous as parlé de ton stage, et est-ce que tu as eu un moment dans ta recherche, un moment charnière, une découverte, une visite ou quelque chose qui a changé toute ta façon d'aborder le sujet ? Quand j'ai commencé ma recherche, mon directeur m'a demandé de chercher les archives de Chéri Héroïre. Donc, comme je disais tout à l'heure, je les ai trouvées, mais pas sans mal, puisque donc en fait c'est assez surprenant qu'on ait un illustrateur comme ça qui ait autant produit et qu'on n'ait aucune trace d'archive, qu'on ne sache pas où il est ou qu'est-ce qu'il est devenu de lui, quoi. Et je suis tombée en faisant des recherches, j'avais un peu oublié, mis ça de côté, et puis j'avais fait des recherches dans les Ardennes, puisque je savais que Chéri Héroïre venait de Rocroi, et j'avais trouvé que dans un centre d'archives, il y avait un exemplaire de quelque chose, une illustration de Chéri Héroïre. Bon, je l'avais mis de côté, puis j'étais passée à autre chose. Et quelques temps plus tard, en re-recherchant dans mes papiers, dans mes recherches, ce qu'il faut très souvent faire, se remettre en question et regarder un peu tout ce qu'on a trouvé, parce que des fois on oublie. Et ben, je suis retombée sur ça et j'ai creusé la piste, et dans ce même fond d'archives, il y avait un exemplaire d'un magazine fait par une association, et avec visiblement des informations biographiques sur Chéri Héroïre. J'ai contacté l'association qui m'a envoyé ce magazine, très gentiment. J'ai donc pu lire dans le magazine plein d'informations biographiques sur Chéri Héroïre, et je me suis dit, mais d'où est-ce que ça vient, avec des illustrations? Et j'ai vu que ces informations, elles venaient d'un certain monsieur Génaud, que je remercie grandement, puisqu'il m'a vraiment un peu sauvée. Et j'ai contacté ce monsieur Génaud. Alors, des fois, il ne faut pas avoir peur de contacter les gens, parce que je suis passée par Facebook, par son fils, pour essayer d'avoir son contact. Et finalement, monsieur Génaud, il m'a invité chez lui, dans les Ardennes. Donc, j'ai traversé toute la France. Et je suis tombée sur un collectionneur passionné qui a travaillé pendant des années et des années, presque 20 ans, sur Chéri-Héroï, qui habite donc à Rocroi, dans la même ville que lui, et qui a surtout été en contact avec les descendants de Chéri-Héroï, qui n'a pas eu d'enfant, et qui a réussi à récupérer des originaux. Donc non seulement j'ai pu voir, puisque M. Génaud a une très très grande collection de tout ce que Chéri-Héroï a pu publier, donc que ce soit cartes postales, illustrations, presse, des menus, ce genre de choses, les livres aussi, tous les livres, il a fait des inventaires. Ce monsieur est exceptionnel et je le remercierai jamais assez. Et j'ai aussi pu voir des originaux. Donc j'ai pu voir comment Chéri-Héroï travaille. Et bon, et j'ai aussi pu apprendre que le reste des originaux avait sûrement fini à la poubelle. Mais au moins, ça a un peu tout changé aussi ma vision. Et puis être avec quelqu'un qui le connaît d'une certaine manière et connaît aussi sa vie, ça permet de mieux comprendre l'artiste. Et moi, une de mes ambitions, c'était aussi de comprendre ces artistes, d'essayer de leur redonner vie d'une certaine manière et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils faisaient ces œuvres-là par passion, pas d'où viennent ces inspirations. Et Chéri-Héroï, c'est un cas passionnant parce que on est sur quelqu'un qui a travaillé toute sa vie jusqu'à sa mort et qui s'est retrouvé un peu enfermé dans ce côté érotique parce que ça vendait. Et qu'on est sur un artiste qui avait un train de vie, qui avait besoin de travailler. Et donc un artiste passionné d'histoire et qui finalement utilisait un peu toutes les excuses pour pouvoir représenter des chevaliers, des femmes avec des belles robes. Et du coup, tu parles du fait que tu as beaucoup travaillé sur la vie de ces artistes. Est-ce que c'est un des aspects qui t'a le plus fasciné et que tu aurais aimé peut-être plus développer ? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ces 2 ans de recherche ? Alors, la vie des artistes, c'est quand même très intéressant parce que quand on est enfermé dans sa recherche tout seul avec ses images, c'est vrai que on a un peu l'impression d'avoir des amis qui vous comprennent. C'est un aspect qui est intéressant mais qui est vite limité aussi. Comme je le disais, on n'a pas beaucoup d'archives. Certains artistes sont plus connus que d'autres, mais même sur un cas comme Gerda Wegener, on la connaît pas forcément pour les bonnes raisons. Et on n'a plus d'archives aussi, hein, parce qu'elle est morte ruinée et qu'elle avait tout vendu. Moi, je pense c'est de travailler sur la presse, de manière générale. C'était aussi une période très particulière et charnière pour la presse et pour l'illustration de presse. On est juste avant l'arrivée massive de la photographie dans la presse. Et la photographie est déjà là, hein, mais on a quand même encore des illustrateurs. Et on a toute cette condition de l'artiste illustrateur qui est extrêmement intéressante, où on a une génération d'entre-deux avec des artistes, des illustrateurs qui sont formés aux beaux-arts, qui sont formés en tant que peintres. Et qui ne trouvent pas de travail en tant que peintre, et qui donc se retrouvent dans la presse, et finalement gagnent leur vie comme ça, et essayent aussi de se démarquer de la photographie en produisant des choses que la photographie ne peut pas produire, et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi sur un imaginaire, que l'historicisme est beaucoup mis en avant. Et tout ce qui est l'aspect costume, moi j'ai beaucoup... Beaucoup aimé travailler sur les costumes, la mode, les fêtes costumées, où il y a encore un travail immense à faire, et essayer de comprendre aussi comment ces artistes trouvent leurs inspirations et leurs connaissances historiques sur les costumes. Il y a des liens qui sont possibles au musée de la mode, au musée Galliera à Paris, Palais Galliera. Il y a un fonds qui est conservé sur Maurice Leloir. Et Maurice Leloir, c'était un grand collectionneur de mode, et donc de mode historique. Et c'était un peintre également. Il faisait des très belles œuvres. Et il peignait Versailles beaucoup. Et donc, Maurice Leloir, c'est un lien exceptionnel parce qu'il a fondé la Société du Costume en 1907. Et dans la Société du Costume, on a des membres très intéressants, puisqu'on a des peintres, des artistes, mais on a également des écrivains. Et on a aussi des illustrateurs. Et donc on a également Louis Vallée, qui a été secrétaire de la Société du Costume. Et Louis Vallée fait partie de mon corpus. Et donc on peut très bien imaginer des liens qui sont comme ça, des inspirations, des prêts. On sait que ces costumes de la collection de la Société du Costume, ils étaient prêtés, ils étaient remaniés, ils servaient pour les inspirations des œuvres. Alors, est-ce que les illustrateurs ont eu accès à ça? Difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que on a des liens. Il faudrait en fait faire tout un travail de réseau. Mais alors, si on part sur le réseau de Maurice Leloir, c'est des années et des années de recherche. Mais il y a des liens qui peuvent être faits. Et le costume, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant parce que on a le costume historique très fidèle et j'ai des artistes qui vont essayer de reproduire des costumes parfaitement et d'autres qui vont faire des choses complètement fantasmées, très lyriques, qui vont aller chercher d'autres inspirations. Donc tout ça se mélange un peu et c'est un aspect assez intéressant. Ça va peut-être inspirer certains L3 sur leur sujet pour l'année prochaine, sur du coup les costumes. Et justement, si quelqu'un aimerait en savoir plus sur ce thème sans forcément être chercheur, est-ce que tu as un ouvrage, un documentaire ou des choses à conseiller pour s'ouvrir sur le sujet petit à petit? Alors, j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai commencé, je me suis beaucoup basée sur l'exposition Versailles Revival qui a été tenue au château de Versailles en 2020, je crois, 2020 ou 2022, qui est une très bonne exposition. Le catalogue est à la bibliothèque universitaire de lettres. Donc c'est un gros catalogue, mais il est bien fourni. Et justement, il reprend avec des articles très intéressants l'aspect patrimonial, l'aspect artistique, l'aspect publicité de Versailles. Et c'est un peu l'étude de référence quand on parle Versailles XXe siècle. Et Versailles dans la culture alors populaire. On s'entend la culture bourgeoise, on va dire, du XXe siècle. Mais Versailles Revival et tout le contenu qui a été fait autour hein, sur le site du musée de Versailles, enfin du musée du château de Versailles. Et sinon, en amont de cette exposition, Versailles Revival, elle reprenait un peu dans l'idée l'exposition qu'il y a eu à Lambinet, pareil sur Versailles, dans la culture. En tout cas, l'exposition à Lambinet ou pareil, on a un très très bon catalogue qui existe. Alors je ne sais pas s'il est à la bibliothèque, je ne suis pas sûre, je ne pense pas. Mais un PEB, un prêt de bibliothèque, ça se fait très rapidement. Mais le catalogue de Lambinet aussi est très très intéressant et pareil, reprend les mêmes idées de ce Versailles au XXe siècle. Merci pour ces recommandations. On arrive un peu à la dernière question. Et avec du recul, est-ce que tu trouves que ton sujet y résonne avec des questions actuelles et a des enjeux contemporains, peut-être notamment sur le regard envers les femmes, mais je ne sais pas trop si tu abordes la question. Ah, c'est une bonne question sur le regard des femmes, en tout cas, enfin le regard sur les femmes, parce que c'est vrai que dans mon sujet, je pars du principe, et je le démontre assez facilement, hein, qu'on est sur des illustrateurs qui produisent pour des hommes, et donc fait par des hommes pour des hommes, voilà. Mais après, on a le cas un peu exceptionnel. Moi, j'ai une illustratrice, donc j'ai Gerda Wegener, qui est surtout connue pour sa peinture et aussi pour son couple à l'époque, mais donc qui vient un peu contredire ça, pour la production pour les hommes. Après, sur les questions actuelles, ce serait plutôt pas forcément sur le regard sur la femme, parce que bon, après on est sur un type idéalisé, ce qui n'est pas très peu courant, surtout que chaque illustrateur a son type de femme et il est identifié comme ça. Ce qui va être plus d'actualité, ça va être toute la reprise de Versailles et tout ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, sur les séries. Le fan service qu'on peut avoir autour de Marie-Antoinette, pas que Marie-Antoinette d'ailleurs, mais quand on regarde même aux Jeux Olympiques, tout ce qui a été fait sur Marie-Antoinette, tout ce qui est encore fait aujourd'hui sur Versailles, sur les expositions, sur tout ce qui se vend aussi autour de l'image de Versailles, quand on regarde les publicités, les dernières publicités pour parfums par exemple, tournées à Versailles. Donc on a pas mal de choses sur ça et mon sujet arrive dans la chronologie au tout début de cet engouement publicitaire et culturel pour Versailles, si ça commence un peu avec Eugénie sous le Second Empire. Mais là, on est vraiment sur l'aspect culture populaire et Versailles, Versailles vendeur. Donc ça résonne beaucoup. Et puis on est aussi, il y a un aspect un peu politique et patrimonial derrière. Et surtout maintenant, je l'évoquais tout à l'heure, mais cette année, l'année 2025, c'était une année consacrée à Versailles et la République, enfin Versailles et la Troisième République. Et donc, on avait aussi tout l'aspect politique qui résonne, même si on est sur des illustrations qui peuvent paraître légères, il y a un sens derrière. Et si ça parle au lecteur à l'époque, c'est qu'il y a aussi un contexte culturel. Et bah merci beaucoup, Amandine, d'avoir partagé ton travail avec nous. C'était vraiment passionnant de découvrir cette autre facette de Versailles, plus intime, plus libre, et surtout à travers le regard de la presse illustrée au début du XXe siècle. On retient que la recherche, c'est aussi ça, c'est explorer les zones méconnues et bousculer les idées reçues qu'on peut avoir, notamment sur Versailles et la bourgeoisie. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Eh bien, merci de m'avoir reçu. C'est toujours très intéressant de parler de son sujet. Et puis, j'encourage tout le monde, alors peut-être pas à travailler sur Versailles, mais en tout cas à se poser des questions et à explorer les pistes et aussi à se faire confiance, à faire confiance à son regard et à son instinct. Merci d'avoir écouté cet épisode des coulisses de la recherche. Si le sujet vous a intéressé, gardez un œil sur les conférences de cette année ou de celles à venir organisées par l'association Athéna. C'est peut-être l'occasion de découvrir d'autres travaux passionnants et de plonger plus loin dans le monde de la recherche en histoire de l'art. Toutes les informations sont disponibles sur notre Instagram ou sur notre site www.athenaso.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.